Bien-aimés, nous avons entendu déjà cet évangile un dimanche il y a quelques semaines. Et bien, c'est important de le réentendre parce que l'Église nous demande de le réentendre. Ça veut dire que c'est important. Et que derrière cet évangile, eh bien, nous devons nous laisser enseigner. Alors, je crois me souvenir vous avoir parlé, nous avoir exhorté dans l'Esprit Saint à mettre toute notre confiance dans le Seigneur Jésus, à nous rappeler que tout ce qui nous entoure va être détruit, va disparaître. Tout va disparaître. Et si nous ne voulons pas disparaître avec tout, eh bien, il faut que nous soyons enracinés dans ce qui est éternel. Et la seule chose qui soit éternelle, nous le savons, c'est l'amour du Christ. Et c'est ce que veut nous rappeler aujourd'hui encore le Seigneur. Vous voyez, il nous parle à travers cette première lecture magnifique, de ce songe de Nabuchodonosor qui voit une grande statue, alors avec une tête en or et puis un corps de bronze, et puis de bronze et de fer, et puis ensuite mêlé à de l'argile au niveau des pieds, et cette statue qui s'effondre, et pourtant c'est de l'or, du bronze, de tout ce que vous voulez. Mais il y a de l'argile mélangée au fer. Et voilà la condition de l'homme, voilà la condition du monde. Le monde est mélangé. Il n'est plus complètement enraciné dans ce qui est éternel, et il est mélangé avec le péché. Il est mélangé avec l'amour de soi, avec le mal. Et donc, il ne peut pas subsister. Il va être détruit. Il va s'effondrer. Et alors, le Seigneur nous dit, voilà, vous qui croyez en moi, vous qui êtes avec moi, vous qui me suivez, vous qui voulez vivre votre vie en moi, ne soyez effrayés de rien. Vous, vous êtes enracinés dans l'éternel. Votre vie est dans l'éternel. Vous êtes à l'éternel et vous êtes éternel avec lui. Donc, ne soyez effrayés de rien. Et ça, le Seigneur veut vraiment nous le dire. Ne soyez effrayés de rien. Ne vous préoccupez de rien. N'ayez pas peur. Regardez le monde autour de vous. Oui, il y a des guerres, c'est terrible. Oui, il y a des famines. Oui, il y a des gens qui meurent de froid, de faim. Oui. Oui, tout ça est horrible. Et vous devez seulement compatir avec moi pour tout le mal qui se fait sur la terre. Et donc, œuvrez tant que vous pouvez, avec l'aide de ma grâce, pour soulager les souffrances du monde. Voilà ce que vous devez faire. Mais surtout, ne pas vous inquiéter pour vous-même et pour vos enfants. Parce que vous devez simplement les enraciner dans le Christ. Et tant qu'ils seront enracinés dans le Christ, ils seront éternels. Ils souffriront, bien sûr. Tout doit passer par là. Et alors, il nous dit, voyez, on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies, des phénomènes effrayants qui vont survenir et des grands signes venus du ciel. Et bien, au milieu de tout ça, vous qui croyez en moi, vous qui êtes en moi, vous qui savez que votre âme est sauvée et qu'elle ira au ciel, restez en paix. C'est d'ailleurs à cette paix, à cette joie intérieure, que vous porterez le plus grand témoignage sur le monde et que vous permettrez au plus grand nombre d'entrer eux aussi dans le salut que je propose. Voilà votre mission, voilà ce que vous devez faire, voilà comment vous devez vous comporter, soulager les souffrances des hommes et rester dans la paix parce que vous êtes enracinés dans l'amour de Dieu. Et alors vous verrez les âmes s'approcher de vous et demander cet amour pour elles-mêmes. Demander d'entrer elles aussi dans la gloire éternelle de Dieu. Voilà votre mission. C'est comme ça que je veux que vous viviez, mes enfants, nous dit le Seigneur. C'est moi aussi qui vous le dis, bien sûr, parce que je le désire autant pour moi que pour vous, bien sûr. Que nous vivions enracinés dans cet amour, que rien ne nous trouble, que rien ne nous épouvante. Nos âmes sont à Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.